Mon équipe et moi on est parés. Défoule-toi sur la piste de danse comme c'est pas permis. Donald Trump est passé. Les Simpsons l'avaient prédit. Si Marine passe, mon ami, stoppe-toi et prépare tes valises. T'auras pas le temps de danser que tu seras déjà dans l'avion avant même que tu le réalises. C'est pour ça, profite tant que tu le peux. Sur la piste, y'a que toi, vas-y mets le feu. Enjaillement total, enjaillement total. Sur ton passage, attrape une gale, mais danse avec elle de façon normale. Oui, tout est permis une fois qu'on a dépassé minuit. Sur ton passage, attrape une gale, mais danse avec elle de façon normale. Oui, tout est permis une fois qu'on a dépassé minuit. Oui, tout est permis une fois qu'on a dépassé minuit. On fait les bails comme c'est pas permis. On fait les bails comme c'est pas permis. On fait les bails comme c'est pas permis. On fait les bails comme c'est pas permis. On fait les bails comme c'est pas permis. On fait les bails comme c'est pas permis. On fait les bails comme c'est pas permis. On fait les bails comme c'est pas permis. Eh, as-tu le permis pour piloter ce genre de missile? Si elle veut, elle te met KO rien qu'en clignant les cils. Ne fais pas l'imbécile, elle augmente la distance. Ça c'est mauvais signe, nos plans à foirer. Part tout en restant digne. Les impôts, ça c'est permis. Taxe foncière, ça c'est permis. Taxe d'habitation, ça c'est permis. Taxe télé, ça c'est permis. Mais pour danser, tu te manges des sens interdits, hein? Mais pour danser, tu te manges des sens interdits. Les impôts, ça c'est permis. Taxe foncière, ça c'est permis. Taxe d'habitation, ça c'est permis. Taxe télé, ça c'est permis. Mais pour danser, tu te manges des sens interdits. La seule chose que je peux te proposer, c'est qu'on fasse les bails comme c'est pas permis. On fait les bails comme c'est pas permis. On fait les bails comme c'est pas permis. On fait les bails comme c'est pas permis. On fait les bails comme c'est pas permis. On fait les bails comme c'est pas permis. On fait les bails comme c'est pas permis. On fait les bails comme c'est pas permis.